Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Ciné Dimanche. Alors, au menu cette semaine, un menu un peu particulier parce qu'on va faire presque dans l'actu. Et en plus, on va faire presque un spécial high kick. Une fois n'est pas coutume. En entrée, je vous proposerai donc Instinct to Kill, un petit film d'action sympathique avec Marc Dacascos. En plein de résistance, je vous propose de revenir sur Samouraï après la watch party des copains High Kick et leur double épisode entre chronique du film et interview de l'acteur principal. Et enfin, pour terminer, je vous propose, parce qu'ici on est généreux et que vous, vous êtes gourmands, deux desserts, car Le Corbeau et moi-même parlerons de Balles perdues 3. D'abord moi, ensuite Le Corbeau. Voilà, bon, attaquons tout de suite avec Instinct to Kill. Depuis que j'avais mis la main dessus, cet Instinct to Kill me faisait de l'œil depuis l'étagère. Faut avouer que j'aime beaucoup Marc Dacascos. Bon artiste martial, bonne gueule et acteur correct. Je trouve regrettable qu'il n'ait pas eu une carrière à sa hauteur et j'attends toujours de voir son Citizen Kane. Bon, clairement ce sera pas pour cette fois, mais le film est néanmoins très sympathique. C'est amusant de mélanger un script type thriller domestique pour après-midi de M6 du genre Le Beau-Père, avec un sous-bodyguard, et ça marche plutôt pas mal. La dynamique entre les deux héros, Melissa Crider et Marc Dacascos, soit la supposée femme en détresse et son bodyguard, fonctionne très bien. Et le méchant, sorte de mélange improbable entre Le Saint et Hannibal Lecter, est efficace à souhait. Interprété par un Tim Abel aussi falot que cabot, ce qui sied finalement assez bien au personnage. Film des années 80 oblige, on a le droit à la scène de cul ultra gratos avec nudité féminine en gros plan. Ah, on me souffle dans l'oreillette que le film date de 2001, autant pour moi. Par contre, niveau baston, c'est très honnête. Ok, c'est un peu mou du plan, l'action est filmée sans conviction, mais Dacascos sait ce qu'il fait et il lève bien la patte. Il nous offre une baston de barre sympa et 2-3 coups de pied très esthétiques. Honnêtement, le film se suit sans déplaisir et il a la bonne idée de ne durer qu'1h27 et de ne pas rallonger la sauce. Il ne pique pas les yeux, la VF est propre et n'a pas les relents homophobes ou misogynes qu'on trouvait souvent dans ce type de production à l'époque. Bref, ça a le goût des années 80-90 sans l'arrière-goût déplaisant. Voilà donc, après cette petite mise en bouche, parlons donc de Samouraï que j'ai pu revoir récemment. Et faut avouer qu'ils sont très bons, les copains de chez High Kick. Avec leur watch party, ils ont réussi à me faire revoir Samouraï, film que je cite toujours très rapidement quand on me propose une daube française bien gratinée. Et ben, entre la watch party, l'épisode et l'interview de Cyril Mourali, ils m'ont mis dans la sauce. La sauce Samouraï, bien sûr, chef. Bon, blague à part, j'ai dû réviser une partie de mon avis sur le film. Alors, tout n'a pas changé. Je vous rassure, je trouve toujours Saïd Serrari absolument insupportable. Une sorte de sous-courte manche, t'as la ref, chef, issu des enfers, qui offre une prestation horrible de banlieusard caricatural à l'extrême, sortie d'un rêve fiévreux de Michel Leb. Vraiment, ça passe pas. Certaines saillies racistes, ou pour le moins bas du front, ça coince aussi. Et la colorimétrie est également discutable, hein. Y a un côté dessin d'enfant qui découvre les feutres qui me chagrine beaucoup. Mais, et j'insiste là-dessus, avec plus de bouteilles et de points de comparaison, les scènes de combat sont très honnêtes et plutôt bien réalisées. Le film n'est pas un crachat à la tronche des gamers, comme on le voit trop souvent. Une partie du cast s'en sort très bien, Kurata notamment est excellent, et le rythme global est agréable. Petit truc bizarre, le combattant qui est le plus mal filmé, c'est le médaillé olympique Pascal Gentil. Plus de 20 ans après cette fête du cinéma 2002 qui m'a offert Spider-Man, Blade 2, l'attaque des clones, et qui s'est terminée avec l'énorme déception Samouraï et la désolation dans le regard de ma copine de l'époque que j'avais entraînée dans ses aventures cinématographiques, deux podcasteurs bourrés de talent ont réussi à réhabiliter Samouraï à mes yeux. Bravo les gars! Voilà, fallait le dire. Il faut le dire, quand on change d'avis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et Seb et Jazz ont réussi à me faire changer d'avis. Sur Samouraï en tout cas. En partie. Bref, passons maintenant au dessert, Balles perdues 3, première partie. Dernier volet d'une trilogie française dont on peut être fier, ce Balles perdues 3 est probablement le volet le plus faible, voire décevant. Attention, ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, c'est un spectacle hautement recommandable. Ce qui pêche d'entrée de jeu, c'est qu'on sait que c'est le dernier volet. Donc pas beaucoup de surprises. Le début est un peu nébuleux. On croise le grand méchant qui est derrière tout ça depuis le tout départ. Qui pourrait en terminer dès le début du film, mais qui ne le fait pas. Parce que... c'est comme ça. Et puis les raisons de ce méchant sont tellement génériques et le choix de Gérard Lanvin. Bon, j'ai rien contre lui personnellement, mais j'en ai un peu marre de le voir dès qu'il y a un rôle de méchant flic pourri qui tire la gueule. Et enfin, dernier grief de ma part, ça manque de baston mano à mano. On a bien une baston à trois rapide, mais ça manque de bourrinage comme l'évasion du commissariat dans le premier volet, ou le sauvetage de l'ex-femme d'un rescue dans le second. Bon, il y a du bon quand même, évidemment. Le rythme est chouette, même si le film est un peu plus long. Les scènes de course-poursuite sont démentes, et elles sont nombreuses. Et la séquence finale a une vibe Agence Touriste qui me plaît beaucoup. Il y a plein d'incohérences scénaristiques, mais bon, ça ne m'avait pas choqué jusque-là, alors je vais pas faire le difficile. Ah bah si, quand même, il y a un petit truc. Le film se résout avec un Deus Ex Machina éventé, et c'est vraiment con. Et en fait, c'est même ça, ce climax déceptif, qui ruine les trois films bien bourrins et qui tenaient leur parole jusque-là. C'est dommage parce qu'on était sur une superbe trilogie, mais qui retombe comme un soufflet à la fin. Enfin, un bon gros soufflet quand même, c'est peut-être moi qui avais un peu trop d'attente. Voyons maintenant ce qu'en pense le corbeau, lui qui est habitué à râler. On reprend les mêmes et on continue. Ou on recommence, c'est comme vous voulez. Lino tente de reprendre une vie normale. Mais Areski fait à nouveau parler de lui. Reiss, flic et tête pensante du réseau, va tout faire pour le faire taire. Et on va repartir pour de la bagarre et de la destruction de véhicules. Je l'aime bien cette saga balle perdue. Honnête, généreuse, de la série B française qui ne pète pas plus haut que son cul, mais qui fait le boulot. C'est sûr qu'au bout du troisième opus, on voit l'éthique dans la réalisation et dans l'histoire. On peut sourire avec le côté agence touriste quant aux préparations des bagnoles, mais bon, entre des poursuites en caisse bien troussées, une bagarre dans le tram qui, bien qu'un peu téléphonée, est un plaisir coupable immédiat, qu'on empiffre sans sourciller, et le sentiment de boucler la boucle, balle perdue fait du bien. Générosité, je vous dis. Alors bien sûr, vous avez dû entendre l'avis de Nostalgique, qui était un peu sur la réserve. Ne l'écoutez pas, c'est le manque de soleil de la campagne normande qui agit sur son organisme. Il va devenir plus ronchon que Mergreen. Si je n'étais pas de mauvaise foi, je dirais que chaque opus est un peu plus long que le précédent, sans que ce soit nécessaire. Les dialogues un peu clichés, certains acteurs sont un peu moyens, voire inutiles, comme la nouvelle garagiste, qui pourrait jouer chez AB Productions. Donc, merci Monsieur Pierret, vous nous avez fait plaisir. En revanche, faudrait pas tirer à la ligne et nous sortir un 4. La trilogie est terminée, on évite les séquelles, les préquelles, les reboots, les origin stories... et tous ces trucs de scribouillard sans talent. Et ben pour une fois, c'est Paul Corbeau qui aura le plus râlé. Et laisse ma Normandie tranquille, pépère, et t'as rien fait. Bon, et ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au flux RSS pour ne rien manquer. La chaîne YouTube, ça peut être pas mal. Et sinon, bah suivez Galaxy Pop Nouveauté et La Gazette. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis, Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.